dégourde de rubber, baby boy dans sa lag et des tricks de break. Je regarde pendant que je fume, je vois ton cul qui shake. Et on sait, pas dans ce mouvement, le seul point toujours plus chaud. C'est moi le mini qui laisse la foule en soir après chaque show. C'est parce que dans notre set y'a pas un rhyme qui fout tout sonner faux. Ma belle, j'adore, on va le buzz avec mes bros. Pour faire un wet t-shirt, moi je sors les guns à l'eau. Yo, si tu files le vibe, moi je veux que t'embarques dans danse. C'est qu'on rip le stage à chaque performance. Quand on arrive sur stage, toutes les femmes rentrent en transe. Yo, comme on bounce with us, tu check le verse que je bosse. On a plus fidèle à mon boss. Heads de trust, je veux que la poule move. Seul les heads de ça, c'est quand on sort nos moves que je vois ta blonde qui bat. Qu'est-ce que tu veux j'y passe, le monde est rendu grave. C'est l'heure que je te fasse perdre la face, pis ta langue sale, je lave. Que ce soit live on stage, tu nous get on the radio. On drop un mace, tous ceux qui chialent, mais qui pensent pas trop. Ils savent ce qu'on pèse, ça pour nous front, ça sera pas de si on passe pas de test. Mais bon, ça move quand on passe en show. Que ce soit live on stage, tu nous get on the radio. On drop un mace, tous ceux qui chialent, mais qui pensent pas trop. Ils savent ce qu'on pèse, ça pour nous front, ça sera pas de si on passe pas de test. Mais bon, ça move quand on passe en show. Plug les mics, que le party commence. On est présent tous les jours, peu importe les circonstances. C'est ça vous bosse, celui qui réchauffe les pistes de danse. Tu nous master, baby girl, sur la performance. On s'est pointé avec les espérances d'ouvrir des portes. On prend le mic de plus en plus parce que le public supporte. J'ai des têtes, mais c'est normal chaque fois qu'on speed de ça. À faire checker les ads, les groupes qui bloquent la merde en perdent la face. Tout ce qui fait qu'on prend la place. À chaque show, on se présente, c'est clair qu'on parle avec le respect de la masse. Comment? Je suis ça, boubosse, pour les miens, ma ville plus longue. J'ai pas genre qui tue l'eau folle, la dream dans tes headphones. Laisse derrière la masse de clones qui brettent. On dépasse le temps sur notre set parce que des 5 à 7. On se quête tout ce qu'on peut avant que tu t'en rendes compte. On se jette, on bête. Tout ce qu'on a sur tout ce qu'on fait, laisse nos comptes à sec. Mais bon, tant qu'à ça, la web, on livre la marchandise. Ce sont que char et quête, y'a ceux qui touchent le dis. Les US étaient sur le fait qu'on torque la crack. Mais bon, c'est toujours drôle de voir ceux qui chialaient. Pense dans le bac. Que ce soit live on stage, tu nous get on the radio. On drop un mace, tous ceux qui chialent, mais qui pensent pas trop. Ils savent ce qu'on pèse, ça pour nous front, ça sera pas de si on passe pas de test. Mais bon, ça move quand on passe en show. Que ce soit live on stage, tu nous get on the radio. On drop un mace, tous ceux qui chialent, mais qui pensent pas trop. Ils savent ce qu'on pèse, ça pour nous front, ça sera pas de si on passe pas de test. Mais bon, ça move quand on passe en show. Que ce soit live on stage, tu nous get on the radio. On drop un mace, tous ceux qui chialent, mais qui pensent pas trop. Ils savent ce qu'on pèse, ça pour nous front, ça sera pas de si on passe pas de test. Mais bon, ça move quand on passe en show. Que ce soit live on stage, tu nous get on the radio. On drop un mace, tous ceux qui chialent, mais qui pensent pas trop. Ils savent ce qu'on pèse, ça pour nous front, ça sera pas de si on passe pas de test. Mais bon, ça move quand on passe en show.